بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on continue l'explication de l'usul al-thalatha, les trois fondements ou les trois bases, du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, dans lequel il répond, ou il nous aide à répondre aux questions de la tombe, aux trois questions de la tombe, lorsque la personne qui ira dans sa tombe, qu'on lui demandera, Man Rabbuk, qui est ton Seigneur, Man Dinuk, quel est ton din, quelle est ta religion, Man Nabiyuk, et qui est ton prophète, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. On arrive à la fin de l'épître, et il a mis à la fin de cette épître, cette risale, un passage très important qui nous explique la réalité du tarot auquel Allah Azzawajal, nous a demandé de mécroire. Donc il dit, rahimahullah, il commence en disant, wa arsalallahu jami' al-rusul mubashirin wa munzirin. والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Il dit subhana, il dit le Cheikh, pardon, rahimahullah, Allah a envoyé tous les messagers comme mubashirin, comme annonciateurs de la bonne nouvelle, wa munzirin, et comme avertisseurs contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve de cela, et qu'Allah a dit Rusulam Mubashirin wa Munzirin dans Surat An-Nisa, la Surat Kalb 165, des messagers comme annonciateurs de la bonne nouvelle et avertisseurs contre le châtiment. Liyalla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, afin qu'il n'y ait pas pour les gens de preuve devant Allah après l'envoi des messagers. Ce verset il signifie clairement qu'après que les messagers étaient envoyés, le dernier d'entre eux, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens ne peuvent plus dire, la preuve ne nous est pas parvenue, on n'a pas entendu le message, Allah, tu ne nous as pas envoyé de prophète, etc., etc. Il n'y a plus d'excuses. Et ce verset, c'est une preuve de l'absence de l'excuse de l'ignorance dans le tawhid, dans le shirk, et on y reviendra, inshallah. Donc, l'ignorant n'est pas excusé par son ignorance en ce qui concerne le tawhid et le shirk, et c'est une preuve comme quoi la preuve, al-hujja, elle a été établie sur les hommes tant qu'ils ont la capacité de prendre le Coran. J'espère que vous m'avez compris. Ça veut dire que si une personne il a la capacité de lire le Coran, ça y est, la preuve elle lui est parvenue. La preuve elle a été établie sur lui. On ne demande pas non plus qu'il s'assoie avec un alim qui lui enlève, etc. Ses ambiguïtés ou quoi que ce soit. C'est pour cela que le Cheikh Mohammed Abdul Wahhab il a dit dans certaines de ses épîtres, فإن الذي لم تقم عليه الحجة والذي حديث عهد بالإسلام والذي نشأ ببادية بعيدة أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف. وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو القرآن، فمن بلغ القرآن فقد بلغته الحجة. الدورة الثانية المجلد العاشر صفحة التاسعة. Il dit, Mohammed Abdul Wahhab, rahimahullah, celui à qui la preuve n'a pas été parvenue, c'est par exemple celui qui vient juste de se convertir à l'islam. Celui-là, il peut être excusé sur certaines questions. Ou celui qui vit dans un endroit très éloigné. Il vit par exemple sur une île déserte ou quoi que ce soit. Donc encore avec les moyens de communication à notre époque, cette chose-là, elle est un peu, bon. Il dit, ou que ce soit sur une question ambiguë, c'est une question que les gens ne connaissent pas, qui n'est pas connue, qui n'est pas clairement explicitée dans le Coran ou comme ça. Cette personne-là, il ne devient pas mécréant jusqu'à ce qu'on lui explique. Ensuite, il dit, en ce qui concerne par contre les bases du din, qu'Allah a clarifié et a clairement explicité dans son livre, la preuve d'Allah sur les gens et le Coran. Celui à qui le Coran est parvenu, la preuve a été établie sur lui, ou la preuve lui est parvenue. Ça, c'est dans Dora Seigneur, le volume 10, la page 9. On en parle juste parce qu'il a cité ce verset-là, le Cheikh Mohammed. Il dit, وَأَوَّلُهُمْ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Et le premier des messagers est Nuh, عَلَيْهِ السَّلَامُ. Il y avait, donc Nuh est le premier messager, qu'on appelle en français Noé, Nuh, عَلَيْهِ السَّلَامُ, est le premier messager qui a été envoyé à l'humanité. Comme il dit le Cheikh Ibn Qasim dans son explication de Thalath al-Usul, Hashiyat al-Usul al-Thalatha, وحاشية ثلاثة الأصول يجي على باش 94 كان بينه وبين آدم عشرة قرون كلهم على الإسلام فلما حدث الشرك بسبب الغلو في الصالحين أرسل إليهم وهو أول رسول إلى أهل الأرض بإجماع المسلمين. يجي إليا entre نوح et آدم 10 générations ou 10 siècles. C'est-à-dire entre nous, entre Adam, le premier homme, et l'envoi de Nuh alayhi salam, il y a 10 générations. Donc entre Nuh et Adam, 10 générations. Ils étaient tous sur l'islam. C'est-à-dire pendant 10 générations, l'humanité était dans l'islam, dans le tawhid. Tout le monde adorait Allah seul, ne faisait pas de shirk, suivait la loi de Adam, etc., etc. Pendant 10 générations. Et ensuite, le shirk est apparu chez les gens de Nuh. Et dit Ibn Qasim, et quand le shirk est apparu, à cause de l'exagération sur les pieux, la cause du shirk, comme c'est venu dans le hadith de Bukhari sur Ibn Abbas, comme quoi la cause du shirk dans le peuple de Nuh, c'est le premier shirk qui est arrivé, il est arrivé à cause de deux choses. Mais on peut dire à cause de trois choses. Le premier, al-ghuluf al-salihin, l'exagération sur les pieux. C'est-à-dire, ils ont commencé à quoi? À exagérer sur les pieux, jusqu'à ce qu'à la fin, ils les ont adorés. La deuxième chose, al-qubur. Ils avaient construit, la deuxième chose, pardon, al-taswir, le fait de faire des images. Parce qu'ils avaient représenté les sculptures à l'image des gens pieux du peuple de Nuh. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième chose. Il faut faire très attention au taswir, au fait de faire des images. À notre époque, les gens font pas attention à ça. Même parmi les gens qui sont sur le tawhid, et bon, beaucoup de gens aussi sont sur la bid'a, mais ils se laissent aller sur le taswir. Ils se laissent aller sur le taswir. Sur le fait de faire des images. Et rendre le taswir toute chose. La sculpture, le dessin, la photo et la vidéo. Les êtres doués d'âme. La deuxième cause, donc, du shirk, c'est le taswir, le fait de faire des images. La troisième cause, c'est le qubur, les tombes. Parce qu'ils avaient fait ces images, ces sculptures, ils les avaient mis sur les tombes des hommes pieux, comme il a dit Ibn Qayyim, rahimahullah. Et dès que les gens, ils commencent à faire rentrer ces trois choses, le shirk, il n'est pas loin. D'accord? Ça veut dire quoi? On exagère sur les pieux, c'est-à-dire on pense que les pieux, ils ont des capacités, quoi que ce soit, on cherche à, on veut prendre la bénédiction sur eux, ou quoi que ce soit, ça c'est le premier niveau, d'accord? Ensuite, quoi? On construit des constructions, on fait des images, on prend des images d'eux, pour soi-disant se rapprocher d'Allah. Ensuite, on se met sur leur tombe, pour soi-disant se rapprocher d'Allah. Ça c'est dans la première génération. Puis dans la troisième génération, c'est un shirk al-akbar. On adore ces pieux. On les prend comme intermédiaires avec Allah subhanahu wa ta'ala. On demande qu'ils fassent tomber la pluie, qu'ils intercèdent auprès d'Allah. Et tout ça, c'est du shirk akbar. Pourquoi? Parce que le culte pur, al-ikhlas, il doit être rendu à Allah subhanahu wa ta'ala. L'ibada, l'adoration, elle doit être purement pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation pour Allah, le sacrifice pour Allah, l'amour pour Allah, la crainte pour Allah, l'espoir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au tabarruk, au fait de chercher la bénédiction, elle est khasa pour les prophètes. D'accord? Elle est purement pour les prophètes. C'est-à-dire qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les gens, ils récupéraient les cheveux du prophète, l'eau avec laquelle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait le wudu, et ils cherchaient la bénédiction de cela. Une fois que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, ça s'est arrêté. Les sahaba, ils l'ont pas fait avec Abu Bakr, ils l'ont pas fait avec Omar, ils l'ont pas fait avec Othman, ils l'ont pas fait avec Ali, etc., etc. Donc on va pas dans des endroits pour chercher al-baraka. Et on va pas vers des gens, des salihin, pour chercher al-baraka. Il y avait 10 générations qui étaient tous sur le tawhid. D'accord? Ensuite, quand ils sont tombés dans le shirk, quand l'humanité est tombée dans le shirk, Allah, il a envoyé Nuh, alayhi salam. C'est donc le premier prophète. Et ensuite, il dit, min Nuh, alayhi salam, wa akhiruhum Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier des prophètes est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa khatamun nabiyyin. C'est le sceau des prophètes. Et il n'y a pas de prophète après lui. Et comme il dit Ibn Qasim, « وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ » Il y a ijma, unanimité des musulmans sur cette question-là. Et ils disent, « وَأَخْبَرَ بِذَلِكَ أَنَّهُ سَيَأْتِي بَعْدَهُ كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ ثَلَثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَوَقَعَ مَا أَخْبَرَ بِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَعِيسَى بْنُ مَرْيَمِ إِذَا نَزَلَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أمته بإجماع المسلمين في حاشية ثلاثة أصول. يدي ابن قاسم رحمه الله dans son explication de l'usul al-thalatha, il dit, et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit qu'il était le sceau des prophètes, le dernier des prophètes, d'accord? Mais il nous a informé dans des hadiths authentiques comme quoi il y a des faux prophètes qui vont sortir. 30 d'Adjanoun, des grands menteurs, des faux prophètes. Tous prétendant être prophètes. et il n'y a pas de prophète après lui. Quant à Isa ibn Maryam, Jésus, le fils de Marie, qui descend à la fin des temps, il dit ibn Qasim, il jugera par la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne dit pas c'est un prophète après Muhammad, non. Il a déjà été envoyé, et il redescend à la fin des temps, et il juge avec la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il fait donc partie de sa communauté, à l'unanimité des musulmans. Ensuite, il dit, والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. Et la preuve que le premier des messagers est Nuh alayhi salam, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit ce qui signifie, nous t'avons révélé, إنا أوحينا إليك, nous t'avons révélé, كما أوحينا إلى نوح, comme nous avons révélé à Nuh. Et aux prophètes après lui. Ça veut dire les prophètes sont après nous. Ça, c'est le verset 165 sur la Bible. Ça, c'est sur le Salah. Ensuite, il explique là la mission, il nous ramène le Cheikh, la mission de tous les prophètes. La mission de tous les prophètes sans exception et de tous les messagers. Et il dit, Rahimahullah, wa kullu ummatin ba'athallahu ilayha rasula min nuhin ila muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. Et toute communauté, Allah y a envoyé un messager de Nuh jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces messagers, qu'est-ce qu'ils font? Ils ordonnent l'adoration d'Allah seul. Et ils leur interdisent l'adoration du taghout. Ils leur interdisent l'adoration du taghout. C'est-à-dire que toutes les prophètes de toutes les communautés ont été envoyés avec ce message-là. Et il dit le Cheikh ensuite, والدليل قوله تعالى, et la preuve, et tout le temps il faut donner la preuve, et la parole du Très-Haut, Subhana, dans le Coran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du taghout. C'est la sourate An-Nahl, les abeilles, le verset 36. Donc, ce verset, il dit clairement, que tout, à chaque communauté, Allah, il a envoyé un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du taghout. Si ça, c'est le message de tous les prophètes et les messagers, c'est une obligation pour le musulman de savoir ce que signifie le mot taghout. Il y a la plupart des gens de taghout, c'est pas ce que ça veut dire. Alors qu'on va voir que c'est la première chose qu'Allah t'a ordonné, de mécroire au taghout. Comment tu peux mécroire à une chose dont tu ne connais pas la signification, hein? Et dit le Cheikh ensuite, وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. Et Allah a rendu fard obligatoire à tous les serviteurs le fait de mécroire au taghout et d'avoir foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est dans l'usul al-thalatha. Pour l'explication, on va se baser sur quoi? Sur, et c'est la meilleure chose, quand on va expliquer les paroles d'un auteur, d'un cheikh, par exemple, Mohammed Abdouhab, on va chercher dans ses autres livres, par exemple, ce qui vient expliquer sa parole, hein. Et ce qu'il dit le Cheikh Mohamed Abdouhab, rahimahullah, dans une autre risale, un autre épître, qui s'appelle Ma'na al-Taghout. C'est un petit épître de quelques pages, deux pages même pas, dans lequel il explique le sens de Taghout. Qu'est-ce qu'il dit le Cheikh? Il dit, I'lam rahimakallahu ta'ala anna awwal ma farad Allahu ala ibn Adam al-kufra bil-Taghout wal-Iman billah. Il dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde, que la première chose qu'Allah a rendue obligatoire sur le fils de Adam, c'est de mécroire au taghout et de croire en Allah. C'est la première chose. Tu vas enseigner aux gens le din, enseigner à tes enfants le din, tu vas enseigner à un ignorant le din, il faut que tu lui parles en premier lieu de le kufr de taghout et de l'imam billah, de mécroire au taghout et de croire en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on va voir que ça, c'est le sens de la ilaha illallah. La ilaha, ça signifie al kufr de taghout. Il n'y a pas de din d'être adoré, où je mécrois à tous les taghout et je me désavoue du shirk et des mushrikins. C'est ça le sens de la ilaha illallah, sauf Allah, je crois en Allah Azza wa Jal, je l'adore seul, sans associer. Le Cheikh Mohammed, il dit dans cette risale, il dit, فَأَمَّا صِفَةُ الْكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ. Comment on mécroit au taghout? Comment on arrive à mécroire au taghout? Quelle est la description du kufr بالطاغوت? Il dit, أَن تَعْتَقِدَ بُطْلَانِ عِبَاتِ غَيْرِ اللَّهِ. Ça c'est la première chose. De croire que l'adoration de notre qu'Allah est nulle. De croire que le taghout est nul. Nul dans le sens non avenu, quoi. Nul. Il ne sert à rien. Il n'apporte aucun bien. Il n'enlève aucun mal. Et il est en dehors de l'islam. Et il est en dehors de l'haq. Que sais-je encore. La deuxième, patat rukuha. Et de délaisser cette adoration de notre Allah. De délaisser le taghout. Par exemple, de ne pas juger le taghout. Parce qu'on va voir que le tarot, c'est un juge. Ça peut être une loi. De ne pas adorer le tarot. De ne pas suivre le tarot. Le troisième, Watubredoha. Troisième, de détester le tarot. Le troisième, donc, détester le tarot. Watubredoha. Tu détestes le tarot. On va voir les preuves par la suite. Hein. Là, on prend les cinq. On prend les cinq, la description des cinq piliers, on va dire, de la mécréance au tarot. Et ensuite, on va voir les délits. Rabi'an, wa tukaffir ahlaha. Et que tu rendes mécréants les gens du tarot. Les gens du tarot. Premièrement, le fait de croire que le tarot est nul. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Et cela, car Allah est al-haq, et la vérité. Et que tout ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah est al-batil, est le faux. Ça, c'est la preuve que tout ce qui est en dehors d'Allah, c'est-à-dire le tawhid, qui adore en dehors d'Allah, c'est-à-dire le tawhid, est batil, faux. D'accord? Deuxièmement, le fait de le délaisser. La preuve, c'est ce qu'on a vu. Wajtanibu tawhid. Et écartez-vous du tawhid. Ijtinab, c'est encore plus fort que tark, lorsque tu dis en arabe. Ijtanibu, délaisser, ça veut dire que tu, al-janib, tu te mets dans un janib de la pièce, tu te mets dans un coin de la pièce, et l'autre, il est dans un autre coin de la pièce. C'est ça, al-ijtinab. D'accord? C'est pour ça qu'Allah, azzawajal, dans le Coran, il a dit, wajtanibu tawhid, il a dit à propos de l'khamr, wajtanibuha, écartez-vous-en. Il a dit, wala taqrabu zina, ne vous approchez pas de la zina. C'est plus fort encore que délaisser. Ne vous approchez pas ni du tarot, sinon vous sortez de l'islam. Ne vous approchez pas du khamr, sinon vous tombez dans le péché. Ne vous approchez pas de la zina, sinon vous tombez dans le péché. Et de tout ce qu'il y a autour, de toutes les causes qui peuvent nous envoyer. D'accord? Par exemple, pour la zina, c'est l'ikhtilat, la mixité, le fait de, ou le khalwa, le fait de rester en tête à tête avec une femme qui n'est pas interdite de marier. Ou le tabarruj, le fait pour la femme de ne pas mettre le hijab. Tout ça, c'est des causes de zina. C'est des causes de, qui répandent la zina. D'accord? Pour le tarot, il faut s'en écarter. C'est plus fort encore que quoi? Que le délaisser. Salisan, tu bridouha. Tu le détestes. Tu détestes le tarot. Quatrièmement, tu kafir ahlaha. Tu rends mécréant les gens du tarot. Pourquoi? Parce que si la personne, il dit, je me crois au tarot, mais ceux qui adorent le tarot, ils les considèrent encore comme des musulmans, il sera pas véridique. Là, ce qu'il dit, ce sera pas véridique. On va voir qu'on va détailler cela, soit dans ce dars-là, soit dans l'explication de la troisième annulation de l'islam, parce qu'on fera un annulation de l'islam juste après ces dars-là. Khamisan tu'adihim, et tu les prends pour ennemis. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, à propos, en citant l'exemple d'Ibrahim, qala fara'aytum ma kuntum ta'budun, antum wa aba'ukum al-aqdamun. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. Il dit à son peuple, Ibrahim alayhi salam, n'avez-vous pas vu ce que vous adorez en dehors d'Allah, vous et vos pères? Ils sont tous les ennemis pour moi, sauf Rabbil Alamin, le Seigneur des univers. C'est-à-dire, il a pris en inimité toutes les fausses divinités, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et comme ils adoraient aussi Allah, et tous les mushrikines, ils adorent Allah et ils adorent d'autres qu'Allah avec lui, c'est ça le shirk. C'est d'adorer Allah et d'adorer avec lui un autre que lui. Subhanahu wa ta'ala. Il s'est donc désavoué de tous, sauf d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est aussi le sens de la ilaha illallah. Dans un autre endroit, dans un autre écrit, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il définit le fait de mécroire au tarot. Et il dit, rahimahullah, comme c'est venu dans Dorar al-Saniya, le volume 2, la page 121, ومعنى الكفر بالطاغوت أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله من جني أو إنسي أو شجر أو حجر أو غير ذلك وتشهد عليه بالكفر والضلال وتبغضه ولو كان أباك ولو كان أباك أو أخاك فأما من قال أنا لا أعبد إلا الله وأنا لا أتعرض السادات والقباب على القبور وأمثال ذلك فهو كاذب في قول لا إله إلا الله وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَلَمْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. Cheikh Mohammed Abdel Wahhab dit, le sens de mécroire au tarot, c'est de se désavouer de tout ce en quoi les gens croient en dehors d'Allah. Que cela soit un djinn, que cela soit un homme, que cela soit un arbre, que cela soit une pierre, ou autre que cela. Et de témoigner sur cette chose de la mécréance et de l'égarement. C'est-à-dire de dire que tout ce qui adore, tout ce qu'on vient de citer, celui qui adore un homme, il est dans la mécréance. Celui qui adore un arbre, il est dans la mécréance. Celui qui adore une pierre, il est dans la mécréance. Celui qui adore une tombe, il est dans la mécréance. Celui qui adore les djinns, comme les sorciers et leurs acolytes, c'est, ils sont dans la mécréance. Tu témoins donc qu'ils sont de, là, dans la mécréance et dans l'égarement. Et tu les détestes, même s'ils sont ton père ou ton frère. C'est ça le kufr de Tarut, et c'est ça le wala, walbara, l'alliance avec des hommes. Il dit, quant à celui qui dit, moi je n'adore qu'Allah, mais je ne veux rien dire sur As-Sadat, c'est-à-dire les gens qui étaient adorés en dehors d'Allah, qui prétendent être des Sadat, c'est-à-dire des gens proches d'Allah, des pieux, etc., etc., c'est le plus grand de ces guides. Et je ne dis rien ni sur les Sadat, c'est-à-dire les gens qui sont adorés en dehors d'Allah, ni sur les constructions, sur les tombes. C'est-à-dire lui, comme il dit beaucoup de gens à notre époque, il dit, moi je suis musulman, tout ça, j'adore Allah, mais ceux qui font du shirk, moi j'ai rien à dire sur eux. D'accord? Je dis rien sur eux. Je dis pas qu'ils sont kuffars, etc. Qu'est-ce qu'il dit, Mohamed Adha, à propos de cela? Il dit, celui-là, c'est un menteur, lorsqu'il dit la ilaha illallah. Il n'a pas cru en Allah, et il n'a pas mécru au parole. D'accord? Ça n'existe pas, cette histoire-là. Comment ça s'appelle? La neutralité dans l'islam, ça n'existe pas. Par rapport au tawhid, au shirk, ou tout ça. Soit t'es musulman, tu détestes le shirk et le mushrikin, soit tu vas avec eux. Hein? C'est comme ça. Ensuite, il dit, le shirk, Mohamed Abdul Wahhab, rahimahullah, dans un autre, encore un autre passage, dans le Dura al-Saniya, il est aussi dans Majmu'at al-Tawhid, قال, فالله, Allah, ikhwani, تمسكوا بأصل دينكم, أوله وآخره, أسه ورأسه, وهو شهادة أن لا إله إلا الله, وأعرف معناها, وأحب أهلها, واجعلوهم إخوانكم, ولو كانوا بعيدين, واكفروا بالطواغيت, وعادوهم, وابغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم فهو كذب هذا على الله فقد كذب هذا على الله وافترى. Il dit le Cheikh Mohamed Abdul Wahhab en s'adressant à ses frères, il dit par Allah, ô mes frères, accrochez-vous à la base de votre dîn, son début et sa fin, sa base et sa tête. Et c'est le témoignage de la ilaha illallah. Et connaissez son sens. Et aimez les gens de la ilaha illallah. Et faites-en vos frères, même s'ils sont éloignés de vous, géographiquement. D'accord? Aimez, croyez aux tawarid. Et prenez-les en ennemi. Et détestez ceux qui les aiment. Ou qui argumentent à leur faveur. Ou qui ne les rendent pas mécréants. Ou qui prétend, je ne suis pas concerné par eux. Ou qui dit, Allah ne m'a pas chargé d'eux. Celui-là, il a menti sur Allah, subhanahu wa ta'ala, et il a forgé un mensonge. Et il dit, بَلْ كَلَّفَ اللَّهُ بِهِمْ وَفَرَضَ عَلَيْهِ الْكُفْرَ بِهِمْ. Mais Allah, Azza wa Jal, il l'a chargé d'eux des tawarid. Il lui a rendu obligatoire qu'il mécroit en eux. وَالْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ. Et qu'il se désavoue d'eux. وَلَوْ كَانُوا إِخْوَانَ وَأَوْلَادَ. Même s'ils sont leurs frères ou leurs enfants. فَاللَّهُ اللَّهُ تَمَسَّكُوا بِأَصْلِ دِينِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَلْقُونَ رَبَّكُمْ. لا تشركون به شيئا اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. Et il dit, par Allah, accrochez-vous à la base de votre din, afin que vous rencontriez votre Seigneur, sans rien lui associer. Oh Allah, fais-nous mourir muslimin, et mets-nous parmi as-salihin, parmi les vertueux et les pieux. Allahumma amin. Et ça, c'est dans le Dura al-Saniya, le volume 2, la page 119. C'est un grand conseil du Cheikh Mohamed Abdul Wahhab, et il répond aux gens à notre époque, qui te disent, pourquoi tu juges les gens, pourquoi tu juges, tu t'occupes de ces choses-là, ne t'occupe pas de ces choses-là, pourquoi tu dis que cette chose c'est du shirk, pourquoi tu dis un tel c'est un mushrik, etc., etc. Le Cheikh Mohammed, il t'a répondu. Ça, c'est la base de notre dîn. Ibrahim, alayhi salam, il est venu à son peuple, il s'est désavoué de son père et de son peuple, on va voir le verset. Et tous les prophètes, ils sont venus, et de suite, waqa'at al-khusumatu baynahum wa bayna aqwamihim. Hein, le problème, ils ont commencé entre eux et leur peuple. Mohammed ibn Abdillah, khayru khalqillah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il y a eu toutes ces khusoum avec son peuple? Pourquoi il a été persécuté par son peuple 13 ans? Pourquoi il a fait le hijra? Pourquoi il a fui al-Médina? Pourquoi avant cela, ses sahaba, ils ont fui al-Habasha? À cause de tout ça, à cause du kufr bit-taghut. Parce qu'ils ont fait le kufr bit-taghut. Parce qu'ils ont fait le takfir sur les têtes des mushrikins. Allah subhanahu wa ta'ala il dit tabbat yada abi lahab wa tab. Dans quoi? Que périssent les mains de Abu Lahab. Abu Lahab, c'est quoi le but de citer le nom d'Abu Lahab? Parce que c'était une tête de mouchriki. C'était un taroud parmi les taroud de Quraysh. Hein? Et ce sont des envoyés des kofars parmi les premières sourates qui sont descendues. Parce qu'il dit Allah Azzawajal, Qul ya ayyuhal kafirun. Direct. Hein? Et c'est un des dalils de le kofar de taroud, ça. Qul ya ayyuhal kafirun. Hein? Même les enfants, ils l'apprennent. Comme il dit un cheikh, et c'est Ahmad Al-Hazimi, Allah yarda. Il dit ce cheikh, comme quoi, les enfants, ils connaissent le tawhid. Les enfants, ils apprennent, même les petits-enfants, comme ça, comme quoi, le wala wal bara, c'est une réalité, lorsqu'ils apprennent cette sourate. Qul ya ayyuhal kafirun. Après, il te dit non, il n'y a pas de takfir dans l'islam, ça n'existe pas le takfir. Eh ouais, seulement quand tu dis qul ya ayyuhal kafirun dans la première raka'a du fajr, quand tu le lis dans la deuxième raka'a avant le witr ou quoi que ce soit, ben, là, t'as fait le takfir. T'as fait le takfir de tous les kuffars, tous les mushrikines. Et ça, à l'époque de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ils reconnaissaient l'existence d'Allah. Et ils reconnaissaient qu'ils étaient sur la milla d'Ibrahim, alayhi salam. Et ils faisaient des adorations, ils faisaient le hajj, ils faisaient le sadaqat, ils jeûnaient Ashura, comme c'est devenu dans Sahih al-Bukhari. Tout ça a été expliqué par le Cheikh Mohammed Abdelwahab dans Kashf al-Shubuhat. Et malgré cela, Allah Azza wa Jal, il les a kaffar. Il les a sortis de l'islam et il a rendu permis leur bien et leur sang. Pourquoi? À cause du shirk al-akbar. D'accord? Toute personne qui fait le shirk al-akbar à notre époque, on lui dit quoi? Qul ya ayyuhal kafirun. Même si jeûne, il prie, je sais pas quoi, tout ça. Ensuite, il dit le shirk Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est la dernière citation, elle est importante aussi. Par le shirk. إن هؤلاء الطواغيت الذين اعتقد الناس فيهم وجوب الطاعة من دون الله كلهم كفار مرتدون عن الإسلام كيف لا وهم يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويسعون في الأرض فسادا بقولهم وفعلهم وتأييدهم Il dit, tous ces tawaghit auxquels les gens croient qu'il est obligatoire d'obéir en dehors d'Allah sont tous des mécréants, des apostats. Kuffar ou muftadin. Il parle de gens à l'époque, à son époque, des savants du mal et des gens comme ça, et des juges sataniques, qui quoi? Qui interdisaient ce qu'Allah a autorisé et qui autorisaient ce qu'Allah a interdit. Il a dit que c'était des tawarites et des kuffars. Et après, il dit quoi? Kayfala. Comment ne pourraient-ils pas être des mécréants alors qu'ils rendent permis ce qu'Allah a interdit et qu'ils interdisent ce qu'Allah a permis et qu'ils répandent la corruption sur la terre par leurs paroles et leurs actes. Et ensuite, il dit, وَمَنْ جَادَلَ عَنْهُمْ أو أنكر على من كفرهم أو زعم أن فعلهم هذا ولو كان باطلا لا يخرجهم إلى الكفر فقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق لا يقبل حقه ولا شهادته ولا يصلى خلفه. Il dit, quant à celui qui argumente en leur faveur, il fait le djidal pour eux, il les défend. Non, mais akhi, Mursi, quand même, c'est un ikhwan, il connaît le Coran par cœur, il a dû de la barbe au menton, quoi que ce soit, ou Ismaïl Haniyeh, ou Bouteflika, ou Madriyech, ou Kada, ou Malik Abdallah, ou je sais pas qui, il argumente pour eux. Il dit, celui qui argumente en leur faveur, hein, ou même qui dit aux gens non, ne le rend pas mécréant, ou qui prétend que leur acte, même s'il est batel, faux, cela ne les fait pas sortir à la mécréance. Il y a des gens qui prétendent ça. Ils disent, ouais, c'est vrai, ce qu'ils font, c'est hukam, là, c'est tawari, ou ce qu'ils font, c'est une chouïr soufi qui appelle les gens à l'adoration des tombes, ou ce qu'ils font, c'est égarés, égareurs parmi les savants du tarot, les gens qui appellent les gens à la démocratie, ou qui appellent les gens au shirk, ou qui appellent les gens à adorer d'autres qu'Allah, ou quoi que ce soit. Ces gens-là, ce qu'ils font, c'est battre. Mais on peut pas les rendre mécréants, hein. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh Mohammed? Celui qui dit ça, qu'est-ce qu'il dit? Fa'aqal ahwal, hada al-mujalil annahu fasiq. Le minimum qu'on peut dire sur cette personne, c'est que c'est un fasiq. C'est un pervers. Un grand pécheur. On n'accepte pas son témoignage devant une cour de charia. Et on ne prie pas derrière lui. Ça, c'est le minimum. On ne prie pas derrière une personne qui argumente en faveur du shirk et des mushrikines. Il dit après, Bella sihu din al-islam illa bil bara'ati min ha'ula wa takfirihim. Mais la réalité, c'est que la religion de l'islam n'est pas authentique tant que la personne ne s'est pas désavoué d'eux et qu'il n'a pas fait leur takfir. Comme a dit Ta'ala, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى comme Allah Azza wa Jal a dit, celui qui mécroit au Ta'ghut et qui croit en Allah, il a saisi l'anse la plus solide. Et on va voir l'explication du verset. Ce que je viens de citer, c'est dans Durar al-Sani, le volume 10, la page 53. La page 53. Je donne les références comme ça.